Dédicace à la génération West. Salam au soleil, euro dirham, toujours été Africa. Sbah el khair, Morocco, waye waye. Ou le dernier gamos des merveilles. Carmos, carmos, t'en ramène. Vamos, vamos, en royale. C'est où les hymnes, les gommes, ou yalla, habin et nassar. La didi, mes ahiyab, la liki, ne kouni ma. Canon, bonne nouvelle, mademoiselle, je n'ai plus d'oseille. La veille, j'ai flambé toute ma paye. Hey, Lil Kus, tu t'en rappelles? Hey, hey, hey, sur caramel. Parlez, parlez, je suis pas dans le game. Marrep, marrep, city gang, gang. Marhabé, bhabé, bihouda. Les joues, le bilébi. Génération qui m'a hack. Un bilébi, figabi. Marhabé, bhabé, bihouda. Les joues, le bilébi. Génération qui m'a hack. Un bilébi, figabi. Tu vas vraiment bouter avec moi tes jambes. Tu veux vraiment te battre au ramadan, c'est que t'as. Vraiment.